les mœurs du siècle, les exemples de la ville et de la cour, les effets trop certains d'une mauvaise éducation, les conseils d'une mère perverse, car la dame, Sidonie de l'Espouesse, favorisait les galanteries de sa fille. Les sages lui pardonneraient une faute trop douce pour mériter leur rigueur. Ses torts eussent paru trop ordinaires pour être de grands torts, et tout le monde eût pensé qu'elle avait fait comme les autres. Mais Jeanne de l'Espoisse, non contente d'attenter à l'honneur de son mari, ne craignit point d'attenter à sa vie. C'est dans le petit cabinet, autrement nommé cabinet des princesses infortunées, que Jeanne de l'Espoisse, dame de Montragu, concerta avec le chevalier de la Merluce la mort d'un époux fidèle et tendre. Elle déclara plus tard que, en entrant dans cette salle, elle y vit suspendue les corps de 6 femmes assassinées, dont le sang figeait et couvrait les dalles, et que, reconnaissant en ces malheureuses les 6 premières femmes de la Barbe Bleue, elle avait prévu le sort qui l'attendait elle-même. Ce seraient en ce cas les peintures des murailles qu'elle aurait prises pour des cadavres mutilés. Et il faudrait comparer ces hallucinations à celles de Lady Macbeth. Mais il est extrêmement probable que Jeanne imagina ce spectacle affreux pour le retracer ensuite et justifier les assassins de son époux en calomniant leur victime. La perte de M. de Montragu fut résolue. Certaines lettres que j'ai sous les yeux m'obligent à croire que la dame Sidonie de l'Espoisse y participa au complot. Quant à sa fille aînée, on peut dire qu'elle en fut l'âme. Anne de l'Espoisse était la plus méchante de la famille. Elle demeurait étrangère aux faiblesses des sens et restait chaste au milieu des débordements de sa maîtresse. Non qu'elle se refusât des plaisirs qu'elle jugeait indignes d'elle, mais parce qu'elle n'éprouvait de plaisir que dans la cruauté. Elle engagea ses 2 frères, Pierre et Cosme, dans l'entreprise par la promesse d'un régiment. Il nous reste à retracer, d'après des documents authentiques et de sûrs témoignages, le plus atroce, le plus perfide, le plus lâche des crimes domestiques dont le souvenir soit venu jusqu'à nous. L'assassinat dont nous allons exposer les circonstances ne saurait être comparé qu'au meurtre commis dans la nuit du 9 mars 1449 sur la personne de Guillaume de Flavie par Blanche d'Overbruck, sa femme, qui était jeune et menue, le bâtard d'Orbandas et le barbier Jean Boquillon. Ils étouffèrent Guillaume sous l'oreiller, l'assommèrent à coups de bûche et le saignèrent au cou comme un veau. Blanche d'Overbruck prouva que son mari avait résolu de la faire noyer, tandis que Jeanne de l'Espoisse livra à d'infâmes scélérats un époux qu'il aimait. Nous rapporterons les faits aussi sobrement que possible. La Barbe Bleue revint un peu plus tôt qu'on ne l'attendait. C'est ce qui a fait croire bien faussement que, en proie aux soupçons d'une noire jalousie, il voulait surprendre sa femme. Joyeux et confiant, s'il pensait lui faire une surprise, c'était une surprise agréable. Sa tendresse, sa bonté, son air joyeux et tranquille eussent attendri les cœurs les plus féroces. Le chevalier de la Merluce et toute cette race exécrable de l'Espoisse n'y virent qu'une facilité pour attenter à sa vie et s'emparer de ses richesses, encore accrues d'un nouvel héritage. Sa jeune épouse l'accueillit d'un air souriant, se laissa coller et conduire dans la chambre conjugale et fit tout au gré de l'excellent homme. Le lendemain matin, elle lui remit le trousseau de clés qui lui avait été confié. Mais il y manquait celle du cabinet des princesses infortunées, qu'on appelait d'ordinaire le petit cabinet. La Barbe Bleue la réclama doucement, et, après avoir quelque temps différé sur divers prétextes, Jeanne la lui remit. Ici se pose une question qu'il n'est pas possible de trancher sans sortir du domaine circonscrit de l'histoire pour entrer dans les régions indéterminées de la philosophie. Charles Perrault dit formellement que la clé du petit cabinet était fée, ce qui veut dire qu'elle était enchantée, magique, douée de propriétés contraires aux lois naturelles, telles du moins que nous les concevons. Or, Nous n'avons pas de preuve du contraire. C'est ici le lieu de rappeler le précepte de mon illustre maître, M. Duclos des Lunes, membre de l'Institut. Quand le surnaturel se présente, l'historien ne doit point le rejeter. Je me contenterai donc de rappeler, au sujet de cette clé, l'opinion unanime des vieux biographes de la Barbe Bleue. Tous affirment qu'elle était fée. Cela est d'un grand poids. D'ailleurs, cette clé n'est pas le seul objet créé par l'industrie humaine qu'on ait vu doué de propriétés merveilleuses. La tradition abonde en exemples d'épées fées. L'épée d'Arthur était fée. Celle de Jeanne d'Arc était fée, au témoignage irrécusable de Jean Chartier. Et la preuve qu'en donne cet illustre chroniqueur, c'est que quand la lame eut été rompue, les deux morceaux refusèrent de se laisser réunir de nouveau, quelque effort qui fissent les plus habiles armuriers. Victor Hugo parle en un de ses poèmes de ces escaliers fées qui sous eux s'embrouillent toujours. Beaucoup d'auteurs admettent même qu'il y a des hommes fées qui peuvent se changer en loups. Nous n'entreprendrons pas de combattre une croyance si vive et si constante, et nous nous garderons de décider si la clé du petit cabinet était fée ou ne l'était pas, laissant au lecteur avisé le soin de discerner notre opinion là-dessus, car notre réserve n'implique pas notre incertitude, et c'est en quoi elle est méritoire. Mais où nous nous retrouvons dans notre propre domaine, ou pour mieux dire, dans notre juridiction, où nous redevenons juges des faits, arbitres des circonstances, c'est quand nous lisons que cette clé était tachée de sang. L'autorité des textes ne s'imposera pas à nous jusqu'à nous le faire croire. Elle n'était point tachée de sang. Il en avait coulé dans le petit cabinet, mais en un temps déjà lointain. Qu'on l'eût lavé ou qu'il eût séché, la clé n'en pouvait être teinte, et ce que, dans son trouble, l'épouse criminelle prit sur l'acier pour une tache de sang était un reflet du ciel encore tout empourpré des roses de l'aurore. M. de Montragu ne s'aperçut pas moins, à la vue de la clé, que sa femme était entrée dans le petit cabinet. Il observa en effet que cette clé apparaissait maintenant plus nette et plus brillante que lorsqu'il l'avait donnée, et pensa que ce poli ne pouvait venir que de l'usage. Il en éprouva une pénible impression, et dit à sa jeune femme avec un sourire triste, « Ah, mamie, vous êtes entrée dans le petit cabinet. Puisse-t-il n'en rien résulter de fâcheux, pour vous ni pour moi? Il s'exhale de cette chambre, une influence maligne, à laquelle j'eusse voulu vous soustraire. Si vous y demeuriez soumise à votre tour, je ne m'en consolerais pas. Pardonnez-moi, on est superstitieux quand on aime. » À ces mots, bien que la Barbe Bleue ne pût lui faire peur, car son langage et son maintien n'exprimaient que la mélancolie et l'amour, la jeune dame de Montragu se mit à crier à tue-tête « Au secours, on me tue !» C'était le signal convenu. En l'entendant, le chevalier de la Merluce et les deux fils de Madame de l'Espoisse devaient se jeter sur la Barbe Bleue et le percer de leurs épées. Mais le chevalier, que Jeanne avait caché dans une armoire de la chambre, parut seul. M. de Montragu, voyant bondir l'épée au poing, se mit en garde. Jeanne s'en fit épouvantée, et rencontra dans la galerie sa sœur Anne, qui n'était pas, comme on l'a dit, sur une tour, car les tours du château avaient été abattues par l'ordre du cardinal de Richelieu. Anne de l'Espoisse s'efforçait de redonner du cœur à ses deux frères, qui, pâles et chancelants, n'osaient risquer un si grand coup. Jeanne, rapide et suppliante, « Vite, vite, mes frères, secourez mon amant !» Alors, Pierre et Cosme coururent sur la Barbe Bleue. Ils le trouvèrent qui, ayant désarmé le chevalier de la Merluce, le tenait sous son genou, et lui passèrent traîtreusement par derrière leur épée à travers le corps, et le frappèrent encore longtemps après qu'il eut expiré. La Barbe Bleue n'avait point d'héritier. Sa veuve demeura maîtresse de ses biens. Elle en employa une partie à doter sa sœur Anne, Une autre partie a acheté des charges de capitaine à ses deux frères, et le reste a se marié elle-même avec le chevalier de la Merluce, qui devint un très honnête homme dès qu'il fut riche.